Leçon 4. Activités 2 et 3. Page 80. Piste 62. Hugo, où est le parc ? Prête-moi ton plan. Regarde. Ce n'est pas très loin. D'abord, prends la rue du Rocher, puis tourne à gauche. Prends la rue de la Montagne. Ensuite, tourne à droite. Le parc est sur la rue des Fleurs. L'entrée est en face du fleuriste Nature et Fleurs. Merci.